Mauvaise compréhension des paroles de Shir al-Islam et des savants du Nejd. Voici une discussion avec le Shir Abu Maryam concernant leurs arguments et leurs paroles mal comprises de Shir al-Islam et de la parole déformée de Shir Sulayman ibn Sahman. Question. Cheikh, qu'Allah vous préserve. Quel est votre avis concernant cette parole de Ibn Taymiyyah dans Rad al-Bakri, page 46? Et c'est pour cela que j'ai dit aux Jahmiya parmi les Hululiyya et les Nufah qui rejettent le fait qu'Allah Ta'ala soit au-dessus du trône. Lorsque j'ai été confronté à leur fléau, si j'étais d'accord avec vous, je serais mécréant, car je sais que vos paroles sont de la mécréance. Quant à vous, je ne vous considère pas mécréant, car vous êtes ignorant. Et aussi les éminents savants Sulayman ibn Sahman et les enfants de Shir Abdul Latif, Ibrahim et Abdullah, ont été questionnés au sujet de ceux qui s'abstiennent de faire le takfir des Quburiyyin. Ils répondirent, quant à la parole, celle de l'auteur de la question, nous disons que la parole est du kufr sans statuer de la mécréance de celui qui la prononce et y adhère. Cette parole, dans l'absolu, est de l'ignorance pure, car cette expression ne s'adresse et n'est d'application que sur une personne donnée. Et la question du takfir d'une personne donnée, takfir al-mu'ayyin, est connue. Et sa parole, ces gens, les quburiyyin, adorateurs de tombes, n'ont pas compris la hujja, prouve son ignorance et qu'il ne fait pas de distinction entre Qiyam al-Hujja et Boulour al-Hujja. Car comprendre les preuves est une chose et le fait que la Hujja soit parvenue en une autre, car la Hujja peut être établie sur une personne qui ne l'a pas comprise. Il n'y a aucun doute sur leur mécréance et leur égarement, exception de ceux qui furent dépassés par leur hawa, les passions et innovations, et dont Allah a voilé l'œil de la clairvoyance parmi ceux qui s'y allièrent. Celui-ci est désobéissant, assis et injuste, dhalim. Il est donc de notre devoir de le mettre en quarantaine, de l'éloigner et mettre en garde contre lui jusqu'à ce qu'il manifeste son repentir, au même titre qu'il a manifesté l'injustice et la désobéissance. L'iqama, guidé de la prière, et ceux qui ne font pas le takfir des Jahmiya et des Quburiyya, ou doutent de leur kufr, n'est pas valide. Cette question est l'une des plus claires chez les étudiants de sciences et les gens des Athar, qui suivent la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. La référence dans Ad-Durar Saniya, volume 10, page 431-436. La réponse du Shir. Beaucoup de frères m'ont souvent rappelé cette parole, car certains d'entre eux en ont besoin comme prétexte pour justifier que l'islam peut se réaliser sans faire le takfir des associateurs. Et celui qui utilise cette parole ne comprend pas la différence entre certaines questions où il y a divergence entre savants. Est-ce qu'elle annule l'islam ou pas? Et la croyance que tous ceux qui ont réalisé la présence du shirk ne sont pas musulmans. Et ils imposent que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que les Jahmiyyah ne sont pas mécréants. Ibn Taymiyyah n'avait pas comme croyance qu'ils étaient tombés dans le shirk des noms et attributs divins, et qu'ils avaient commis de shirk, et que malgré cela, ils étaient musulmans. Plutôt, ils avaient comme croyance que leurs actes ne devenaient du shirk qu'après leur avoir fait iqamatul hujja, l'établissement de la preuve. Et ainsi, Shir al-Islam ne parle pas des Jahmiyyah mahza, extrémistes, mais il parle des Jahmiyyah nufat, qui renient qu'Allah est au-dessus de sa création. Et le Shir indique cela dans sa parole. Et c'est pour cela que j'ai dit aux Jahmiya parmi les Hululiyya et les Nufah, qui rejettent le fait qu'Allah Ta'ala soit au-dessus du trône. Shir al-Islam a beaucoup de paroles concernant le takfir des Jahmiya Mahda, dans nombreux de sujets. La divergence dans certaines questions qui survient entre les musulmans est la même divergence concernant le takfir de celui qui délaisse la prière, ou la divergence de celui qui ignore la généralité de la création du monde et du destin. Est-ce que ça annule l'islam après ou avant l'établissement de la preuve? Mais il n'y a pas un musulman qui affirme que celui qui a réalisé le shirk akbar, le grand polythéisme, annulant l'islam, reste quand même musulman. Ici nous avons donc des cas précis qui deviennent du shirk après iqamatul hujja, l'établissement de la preuve, comme rendre licite le haram et interdire le halal, ou être ignorant de certains noms et attributs. Allah Ta'ala dit « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. » Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Sourate 6, verset 21. Le fait de rendre licite la bête morte n'atteint le shirk qu'après l'établissement de la preuve. Lorsqu'un musulman ignorant, qui n'a pas reçu la preuve de son interdiction et croit toujours qu'elle est licite, on ne dit pas que c'est un associateur, un mouchrik, jusqu'à ce qu'on lui établisse la preuve. Et la même chose pour celui qui rend halal l'intérêt usurière, la fornication, le vin et autres que cela parmi les interdictions. Et aussi celui qui renie les obligations, comme la prière, la zakat, le pèlerinage, le jeûne et autres parmi les obligations. Celui qui croit que cette action ne devient du shirk qu'après l'établissement de la preuve, observe la réalité de ce cas. Soit elle n'est pas cachée de celui qui l'ignore et donc il mécroit. Ou soit elle lui est cachée et confuse et donc il ne devient pas mécréant jusqu'à ce que la preuve lui soit établie. Mais le musulman ne dit pas que celui qui est réellement tombé dans le shirk est musulman avec la présence du shirk. Le shirk parle du shirk d'adorer un autre qu'Allah. Et ce shirk n'est pas excusé par l'ignorance, contrairement au fait d'ignorer certains noms et attributs. En ce qui concerne cette parole du shir Ibn Sahman, il n'y a aucun doute sur leur mécréance et leur égarement, exception de ceux qui furent dépassés par leur hawa, passion et innovation, et dont Allah a voilé l'œil de la clairvoyance parmi ceux qui s'y allièrent. Le sens a été changé et l'expression authentique de cette parole est « En ce qui concerne les ibadiyas de cette époque, la réalité sur leur madhab et leur chemin est qu'ils sont des jahmiya quburiyoun. Et ceux qui s'affilient à l'ibadiyya, conformément, il n'y a aucun doute sur leur mécréance et leur égarement, exception de ceux qui furent dépassés par leur hawa, passion et innovation, et dont Allah a voilé l'œil de la clairvoyance. Celui qui s'allie à eux est désobéissant, assis et injuste, dhalim. Il faut le mettre en quarantaine, de l'éloigner et mettre en garde contre lui jusqu'à ce qu'il manifeste son repentir au même titre qu'il a manifesté l'injustice et la désobéissance. Celui qui s'allie à eux, et non parmi ceux qui s'allièrent, dans l'expression « parmi ceux qui s'y allièrent », elle change le sens et il y a une différence entre l'alliance et le tekfir. L'alliance a plusieurs catégories. Les savants ont fait la différence entre celui qui doute de la mécréance et entre celui qui s'allie à eux. La vraie parole du shirk se trouve dans Ad-Durar Saniya. En ce qui concerne cette parole, Mimman Tawallahum, je ne sais pas d'où provient-elle. Parmi les paroles du shirk Sulayman ibn Sahman, il y en a qui soutiennent l'annulation du fondement. Et tu en trouves qui soutiennent les paroles des gens de science sur le tekfir de certains cas particuliers et des questions sur lesquelles les gens de science ont divergé. Font-elles partie des impiétés ou pas? Et non, par rapport à ce que les savants ont rapporté concernant la règle, celui qui ne fait pas le tekfir des mushrikin ou doute de leur kufr est un mushrik. Donc celui qui ne fait pas l'anathème des associateurs ou doute de leur mécréance est un associateur. Et dans ce même livre, Kashf al-Shubuhat et d'autres livres, il répète ce principe de base, mais il s'arrête sur le tekfir de certains cas particuliers dont la preuve ne leur était pas parvenue au sujet de celui qui ne faisait pas le tekfir de certains individus. Et non pas qu'ils croyaient que malgré qu'ils avaient commis du shirk akbar, ils les jugeaient musulmans. Celui qui croit, par exemple, que le polythéiste, le mushrik, n'a pas fait de shirk à cause d'une mauvaise interprétation de son acte, ou qu'il croit que son acte n'indique pas qu'il ait commis du shirk akbar. Mais il a quand même comme croyance que celui qui fait du shirk akbar n'est pas musulman. Celui-là n'est pas mécréant si la preuve ne lui a pas été établie. Comme la divergence des gens de science sur la parole d'Ibn Arabi. Ils ont eu une mauvaise interprétation de sa parole. Et donc, la base de celui qui ne fait pas le tekfir du mushrik, celui qui se désavoue pas, qui ne considère pas mécréant l'associateur, ou doute de sa mécréance, est qu'il est un mécréant à l'unanimité. Il est donc obligatoire que le musulman adopte ce fondement. Mais il arrive que des fois le musulman peut se tromper et s'arrête sur le tekfir de certains cas à cause d'une mauvaise interprétation de leurs paroles ou de leurs actions, ou qu'il ait un doute si cet acte ne fait pas partie du kufr akbar, la grande mécréance, comme la divergence sur certaines questions, comme le délaissement de la prière, jusqu'à ce qu'il meure ou qu'il soit exécuté, ainsi qu'ignorer certains noms et attributs divins.